Depuis matin levé, Marina, moi pêche à touiller moi. Moi dis ou pas comme ça, Marina, ou pas v'l écouter moi. Depuis matin levé, Marina, moi pas les cheveux moi. Moi dis ou était tranquille ma chère, ma lève arrivé où. Ou déjà ouais comme pas sous ça, suspend emmerdé moi. Le ça m'a gagné la paix moi. Marina, ou pas gagner conscience. Le ça m'a gagné la paix loin. Depuis matin levé, Marina, moi préjac touiller moi. Moi dis ou pas faire ça, Marina, ou pas v'l'écouter moi. Depuis matin levé, Marina, moi prends les cheveux moi. Moi dis ou rester tranquille, ma chère, ma lève arrivé où. Ou déjà ouais comme pas sous ça, suspend emmerdé moi. Oh le ça m'a gagné la paix moi. Aïe Marina ou pas gagné conscience. Le ça m'a gagné la paix moi. passé au présent. Passer au présent.